La noce bat son plein. La mariée est étendue dans une pièce à l'écart de la maison, sur un grand lit de cuivre, aux rideaux tirés. Une vieille camériste la garde, qui doit lui faire sa toilette à minuit au moment de l'offrir à son époux. Les portes sont closes. Personne n'approche du sanctuaire. Les parents du jeune homme ne connaissent pas encore la femme de leur fils. Au milieu de la grande cour, les invités sont réunis dans le froufrou des serrouelles de satin, l'éclat des diamants et le cliquetis des quelcales. Un orchestre est installé entre deux colonnes de marbre rose et se fait entendre sans trêve. Les musiciennes ont un hymne pour chaque heure du jour. Les matins s'éveillent au son des violons, avec des terrasses où s'épanouissent les roses, avec des houris qui s'avancent, messagères de bonheur, à la face du soleil. Sous la torpeur du midi, dorment des villes de rêve. Des femmes accoudées autour d'une basque dissipent leur lassitude à effeuiller des pétales de jasmin, tandis que des jeunes filles, sous la voûte d'un figuier, s'envolent à l'élan d'une escarpolette en se fredonnant des berceuses. À la lueur des couchants, des caravanes diminuent à l'horizon, les cœurs s'emplissent de nostalgie brûlante, des âmes en solitaire se consument d'amour. Lorsque s'élève la plainte du rabab, unique au milieu des violons et des guitares endormies, c'est la nuit, le rossignol qui s'éveille dans le mystère des palmes, la bien-aimée tirée du sommeil pour entendre la mélodie composée à sa louange. L'assistance est grisée. Chacun redemande tel ou tel hymne qui a éveillé en elle le plus de souvenirs. Mais elle sait ce que cela lui coûte. À la fin de l'hymne, les cordelières des serrouelles se dénouent et les pièces d'or pleuvent sur un plateau de cuivre au bord du tapis de l'orchestre. Des négresses glissent dans les rangs avec de lourds plateaux damasquinés offrant les pâtisseries exquises faites de pâtes d'amande et de fleurs d'oranger. De grands vases bleus ou roses circulent qui contiennent une boisson rafraîchissante où surnagent des tranches de citron. La musique n'est interrompue que par la danse. La danse du harem est lente et noble. La danseuse évolue un instant parmi des voiles, dans un léger tortillement de hanches, tandis qu'une musique très douce évoque tout un luxe de salle féerique et de platonique amour. Puis, l'une des invitées l'appelle, en tirant une pièce d'or. La danseuse se penche vers la lalla, reçoit la pièce sur le front, baise la main qu'il a lui appliquée, et s'éloigne au diapason accéléré des guitares, jusqu'au plateau où elle dépose le sultani. De temps à autre, une vieille femme apparaît à une porte de la cour. « Lalla Flana, passe voir ton sidi !» Lalla Flana, interpellée, se lève, fière, secoue son serroual, rajuste ses foulards, change une rose à ses cheveux, et pénètre après la domestique dans une pièce étroite où l'attend son époux. Il n'a pas le droit de l'admirer sous son costume de fête au milieu de ses compagnes. Du moins veut-il la contempler isolément. Il l'embrasse, la complimente sur ses atours et sa beauté. Assurément, tu es la reine entre les reines. Tu es le croissant de lune au milieu des étoiles. Il lui renouvelle les louis dépensés et lui enguirlande les épaules de jasmin. Elle s'éloigne lentement pour lui laisser le loisir de la contempler encore et chacune de passer ainsi à tour de rôle se faire aduler du sidi. Les sidis, eux, sont réunis dans le jardin. Ils se contentent de la musique entendue en sourdine, de narguilés qu'on leur sert sur des tables basses et de causeries entre eux, discrètes, parmi la fraîcheur des ombrages. Diden est prisonnier là-haut, dans la somptueuse chambre nuptiale située à l'étage supérieur de la maison. Tous les bruits de la fête montent jusqu'à lui, les chants et la musique de la cour, le murmure des hommes sous les figuiers, les ébats des enfants qui, réunis dans une salle à part, s'en donnent à cœur joie de couscous, de pâtisseries au miel et de refrains du bled. Il n'est point seul. Le jeune époux n'est jamais abandonné à la solitude. Les djinns, jaloux de son bonheur, surgiraient le battre. Dada, sa négresse, tourne autour de lui, lui présente à se rincer les doigts dans une cuvette d'argent, tapote les rideaux du grand lit nuptial, étale sur les draps blancs la chemise de soie de la mariée, dispose au pied des colonnes de cuivre les pantoufles jumelles des époux. Assis sur un sofa de velours rouge, Diden a le cœur gros. La vue des préparatifs suprêmes lui bouleverse les traits, porte au comble son émotion. Il songe à l'idylle brûlante auprès du puits de cette vierge, à sa petite amie d'enfance, à qui il avait promis tant de bonheur. Il songe à cette soirée où il s'était attardé avec elle plus que de coutume, où il avait juré avec tant de force que bientôt il la ferait demander à sa mère par la vieille entremetteuse de Sidi Boumedine et qu'il ne vivrait plus jusqu'à ce jour. ils ne s'étaient séparés que lorsque la nuit trop avancée les effraya. Lui ne parvenait pas à se détacher d'elle. Sans doute il obéissait à quelque pressentiment mauvais. Et cet instant où il l'avait vue s'éloigner pour la dernière fois. Elle était si heureuse, si alerte, malgré la lourde cruche à son épaule. Elle tournait encore la tête à chaque pas vers son sidi, pour lui montrer à travers l'ombre son visage que la joie inondait et ses grands yeux pleins d'une reconnaissance d'esclave. Pauvre petite. Quelle détresse devait être la sienne, ce soir, dans le gourbi. L'idée ne sent son foie se brûler. Non, il n'était pas un homme, comme il l'avait protesté à son ami avec orgueil. Il n'était qu'une schmata, plus qu'un lâche. Pourtant, il avait la parole coranique qu'il avait nourrie en même temps que le lait de sa mère, et qui lui remontait aux lèvres. « Assini ou Tiwaldik, résiste-moi, et soumets-toi à tes parents. » Et en effet, qu'aurait-il pu répondre à cette mère qui était venue vers lui, ce soir-là, hautaine, toute de brocart habillée ?« Didon, » lui avait-elle dit sur un ton dur, « et ce retard, où devait-il l'amener ?» Au premier regard, Didon avait rougi. Ils étaient trahis dans leur amour. « Vois, ce soir on te fiance. » Il n'était pas encore revenu de sa surprise, qu'il apercevait la grande cour de mosaïque bleue tout illuminée, pleine de parents et d'amis en costume de fête. La fumée des torches saisissait à la gorge. De toutes les poitrines partait un concert de you-you qui faisait trembler les vitraux. Dès le seuil, une vieille femme, l'entremetteuse, venait prendre Didon par la main et la tirait vers la corbeille des fiançailles. « Et maintenant, » prononçait-elle en le fixant de ses yeux de vieille fouine, « prends ce diadème et dépose-le au milieu des autres objets et dis, « Avec mon cœur, et la bénédiction d'Allah. » C'en était fait. Les you-you éclatèrent de plus belle. Dada souleva la corbeille sacrée sur sa tête, et tout le cortège à sa suite s'en alla, chantant par les rues de Tlemcen les joyeuses chansons du mariage jusqu'à la colline d'en face où habitaient les parents de la fiancée. Minuit. La porte de la chambre où se trouve la mariée vient de s'ouvrir. La camériste paraît sur le seuil, un tambour de basque à la main. « Venez, ô parents, venez, ô amis, venez voir notre fille. Notre fille, nul ne l'a vue. Notre fille est belle. Notre fille est digne de l'alliance d'un roi. Notre fille est fille des marabouts. Venez voir notre fille. » Les parents, les invités accourent à la chambrette. Les rideaux du grand lit de cuivre sont écartés. La mariée est là, assise en travers du lit, toute vêtue de blanc. Son visage est effardé d'un rose vif. Ses sourcils passés à la teinture d'or, dont quelques paillettes étoilent aussi les joues et le menton. Ses cheveux courent sur les couvertures, partagés en mille tresselettes blondes, et elle tient les yeux baissés sur ses mains en croix, rougies de henné. Les invités affluent, et voici que se montrent les cadeaux. Le premier cadeau est celui de l'époux, une main d'or sertie de diamants. La camériste le soulève au-dessus de la tête de la mariée. Le cadeau de la rousse. Dieu fasse longue ta vie, fasse long ton bonheur. Amen, amen, répond l'assistance. La main d'or tombe dans un foulard de soie étalé sur les genoux de l'épouse, et l'opération se répète jusqu'au dernier cadeau, l'objet montré à la foule, le nom du donateur clamé avec des souhaits de bonheur. Dada s'empresse autour de son sidi. Les you-you s'élèvent, la musique retentit dans l'escalier. C'est la mariée qui arrive. Dada passe à Didon ses burnous de soie. Didon soudain s'est mis à trembler d'émotion. À ce moment, la portière de la chambre se soulève et Lala Goussem apparaît. Elle est vêtue de satin jaune à riche broderie d'argent. Sa figure austère vient de s'éclairer d'un sourire satisfait en voyant son fils prêt à recevoir sa femme. « Viens, mon fils, lui dit-elle, tu es prêt. Ces burnous sont beaux et te vont bien. Je viens de voir ta femme. Elle est plus belle que mon cœur ne la désirait pour toi. » Didon, profondément troublé, approche sa tête du sein maternel. Lala Goussem lui dépose sur le front un baiser qui se prolonge, baiser de tendresse et de pardon. Les you-you font résonner les grands dômes de la maison. Le cortège s'ébranle au pied de l'escalier. Didon se tient debout près de la porte. Il est très pâle. Sa mère a disparu. Dada est toujours à son côté. De temps à autre, il lui asperge le visage d'eau de fleurs d'oranger. « N'aie pas peur, mon fils. Que Dieu n'exclue aucun musulman du bonheur de ce jour. » La portière s'écarte. Au-devant de la foule des invités, encadrée de deux musiciennes, la mariée fait son apparition. Elle avance, superbe, dans la blancheur de son costume, les yeux baissés sur son visage éblouissant. La précocité de son âge prête un charme étrange à cette allure majestueuse. Sur ce visage de 14 ans, il y a la pureté de l'innocence, il y a les promesses d'une beauté de houri, il y a la dignité de la race. Dieudonné a un geste de recul en présence de la femme qu'on lui a choisie. « Prends ce que Dieu t'envoie !» s'écrie la foule à l'accompagnement des violons. « Prends ce que Dieu t'envoie, ô fils des heureux. Notre fille, nul ne l'a vue. Notre fille est belle. Notre fille est digne de l'alliance d'un roi. Notre fille est la fille des marabouts. Prends ce que Dieu t'envoie. » Dieudonné regarde s'avancer à lui cette épousée comme peu de famille pourrait en fournir. Ce mouvement, ce bruit, cette foule qui lui chante à tue-tête la louange de sa femme. Une sorte de voile s'étend devant ses yeux. Quelque chose de puissant s'agite en lui. Il sent tout à coup le passé fondre sous ses pieds. L'orgueil de la race monte au cœur de l'aristocrate. Le désir de cette femme supérieure déjà l'enveloppe et lui brûle le sang. « Prends ce que Dieu t'envoie, ô fils des heureux, prends ce que Dieu t'envoie. » Dieudonné a écarté une aile de ses burnous pour la recevoir. La voici qui vient se blottir sous son aisselle et lui demander protection. Elle s'abandonne. Il l'entoure avec une infinie tendresse mêlée de respect. « Prends ce que Dieu t'envoie. » Brusquement, les souhaits cessent. Les violons se taisent. La foule se retire. La portière va retomber lorsqu'une femme pénètre, une seule. D'une voix qui tremble, elle demande à l'époux la permission d'embrasser une dernière fois sa fille. Le baiser est court et déchirant. Elle murmure à sa fille en lui désignant son mari. Que Dieu te laisse longtemps son orgueil et sa couronne. Soyez sur le bonheur, ô mes enfants. Elle s'éloigne en essuyant une larme. Lentement, avec des gestes ouatés, dans l'obscurité de la chambre somptueuse, Dieudonné entraîne sa femme vers la couche nuptiale, la fille des marabouts purs et splendides venus dans ses bras pour former la famille.